Nzembo na uti koyemba tozana kati na studio na ba mama pe na bande komi bali ba mama mususu bazali d'accord na makamu na uti koyemba te ba mama mususu bazali d'accord mi bali mususu pe bango ba miti esika ya bande komi bali me na koyi koloba mingi te na pesa maloba na mama ebengo makambu na uti koyemba yo moni yango boni mama ebengo Pona nga mama le bingo mama ebengo na moni boni to ina ka basse mande kona pso mibali pamba te basse mande kona pso mibali ba ko sa pso son na ko kene tro kene na ba o ke ko mena masanga o tala kuna na ko mo sa ndeko na yo na mobali mususu le mso ndeko na za na voyage to ndeko na za na nda bon o le kana balabala ba ko se kabino partout tala yo na le ki mo sa ndeko ne makanga mutu to ka makamu yeso to wana Tomona kayango moyete bisabino ezalite poto ebite nene boninga basi na bino tango sikoto onya to silika na basi na bino oba ndeko na biso mabeo basemeki balinga biso te biso tozana tina mino mandeko na biso mbali te puisque toyeko bala bino te etanga mabongo moto mosusu fa bala famille mosusu me bande basi na bino bakomi kokusa biso soni yana to tina tina ka biso to ina bango pamba pamba toyeko ina bango te bo yo mama bwanga oki makambo mama ebenga butu koloba yo poza mo se libala Loba yayo. Pona nga mama bwanga, nazana d'accord te makamba mama ebenga buti ko loba. Pona biso ba fay marié, hein? Ndenga to zali boy. Ba semek banda kala, ba ina biso. Bon, wana ba ina mobai nga na tango apasi. Bon, to vani nga na mobai na ngai, bon, sikoyo te débrouiller vi na biso, muke. Bon, sikombe nga bi bon, mama bana, bon, ta yo place a lopangu yango. Bon, sikwa pesi nga lopangu. Après ça le pain, tant après ça le pain, c'est comme que sousou, bon voiture yango. Bon moi c'est pas semek na ngai. Bon. Ba ko yina nga makase. Ba ko yino pona nini? Ba ko yina pa ba nga semek na le pain, donc bango, place mba on est outi, hein, bango ba yebe on tenir ndenga nga mba nga to débrouiller vite na biso wa. Yango na ozali d'accord na ba semek na hotel. Ah. Bon mama ebengo. Makambo yo mama bwanga to koloba. Yo moni bon. Mama makambo mama bwanga lo binga ina ndimi yango. Tokoki ko ina bino pona banda kuna bino na pango na bino. Tokomi lelo soki ba sombeli o voiture. Ngai ndeko mobali na zana reta bisi na kuzela bisi yo ko ndeka na makango no sale to moni ngai te. Bon ngai ko la famille. To bota Mexica mo pas yo biso moni bala to bota ma. Yo yebi yango. Yo yebi bo yo moni na ena kimokolo. O ya biso yebi yango. Soki ba pesi ondako. O kamati makango oko koti na kata ndako wana. Bon ngai ndeko mo ya mobali na ko sepela en bloc wana. Na ko sepela en bloc to ina ka bino pona wana. Ko de bruna ndenge na ye po baloba ah bon problème ezan te pona ye a tubo mengo sima mobali ba mona ki pasi na sima ay ba katika sima mwa sipe makamwa za ko sala sima ya soni e ko sabango soni ata ko mbala ba na pasi ya za mobali na ye hein ba ko mina ta ko bo mengo mobali na ye kasi bazala ndenge mwa sima mobali bazala ka yo si bi ya soni na yo yo si toy manzenza o moni boni ah ben nga na moni vraiment c'est malheureux mais biso mibali actuellement to zali victime ya système moko boye système moye za kalikala et puis na système ezali sikoyo boye toyibi très bien que lokola tozali sikoyo okomona obali mwasi ozana bandeko ya basi mais okoki koboya kote moko te parce que ndeko ya mwasi azama kilana yo entre temps mwasi pe azali Sikoyo mopanzi na yo confident na yo mais eloko moko na regreta ka très souvent basi balingi soki osi obaliye abandi ko revendike yo abandi ko mona yo komi lokola eloko na ye propriété na ye privé po asalisa famille na ye mais ngana mona ka pardon mais ngana mona ka petan mususu basi to balaka bazo lokola ba ambassadrice Il y a ma famille dans mon pays, Nabiso. Mon sousou. Et au Tindi, à qui est-ce que son bureau en Azando allez ici sur 10%, 6% qui est pas la famille naïe, 4% et aïe n'a pas. Voilà. Maintenant, je suis sur le moi c'est maïe, dans 6%, on a quand même dit 3%, attendez pas à maman naïe, je suis attendez pas à maman naïe. Là, on ne peut pas kabouli kit kit. Non, continuez sur le manger. Naïbi peut pas si mon sou. Au moment où il a reconnu sa famille, il a reconnu sa famille, il a reconnu sa tata, il a reconnu sa maman. Voilà, c'est ça. Et ça, je me rappelle. Mais très souvent, tout le monde a conduit, basé sur le balaka, on dirait que c'est un ennemi. On dirait que c'est un intérêt. Ce qui est à Zoui, a reconnu sa liboso, idée à liboso, a reconnu sa. Ah, n'est-ce qu'on a un boy. Eh ben maman, maman, comment on va? Moi, je suis un peu comme ça. Na basi na bino na biso bandeko na biso na bandeko na bino tozapso tundenge moko me soki yo kufi lelo biso bandeko na mina basi tozanga ka bino pona libela me mwati na ko zombali mususu donc abali avosa ni peyo me pona nga etika libela ke ndeko na mobali akufi yama tozanga na basi mina mama bwanga oka mama bengo abwakeli yo yo moni boni pona wala grammaire ma ina lobezalite ozomoni esala maka ka ndenge wana ozomoni soki lelo nga lelo hein. Je suis allé à Bali. Bon, tu es allé à Bali. Bon, selon nous, je suis allé à Bali. Bon, après, je suis allé à Moissi. Donc, je suis allé à Moissi, je suis allé à donc, je suis allé à Bali. Donc, je suis allé à Bali. Donc, je suis allé à Bali. Donc, si tu as que c'est mec qui a raison, il y a raison de faire ça. Non, il y a raison. Bon, si tu es malin, tu es malin. D'une part, monsieur a raison, monsieur a tort. Dans une certaine mesure, enfin, na loba mingi te, mais la ngai, les kambo choqué ngai, na biso mi bali, c'est que, bandi ko biso basi, na nengi basa ka ke ba moni, na zana basi misusu makango pa misusu, après zana makango na pa basi, pa batu, po ba choqué basi na biso, en tout cas, wana zali contre. Donc, Ozaraka, ozali contre ba, bandi ko ya basi pa mbate, tant mon souci yoko bomba ma pembeni, on a une assemblée lingala. Exactement. O bomba mi pembeni, meya lingi pembeni wana batunyonso, baye ba. Or que yoko salangopo, moi sinon andako, aye bate. Nazo respecte moi sinon angaye. Yo sinon malambo, tant wana yoko nege pembeni, est-ce que bandeko noyo bazakana te en bon terme, maintenant moi sinon yo andako? Nakanisi te. Ah, parce que bazakana bon terme, maintenant moi sinon andako, il faut taire likambwana, teni bazakana bon terme, maintenant moi sinon andako. Bon, citoyen qui wakana, yo peux goloba, okokoloba. C'est lui pour nanga na moni boy. Les kamboyo bande ko na bisa basi bazala salaka na basi na biso. Mais bango pe bazala ka pe na ba na mibali na bango bazala bande ko na bango pe ya basi o bako ko kutana ba kawana. Mais alors, et bongi neto to stala ngo ndambo ndeko ya mwasa zalo kwamba kela na biso. Et puis ndambo bamo na pe loka na zomo na basi na mwasi na ngai. C'est que yé pa ko bénéficier na na intérêt na ngai. Yo m'a dit le bon yango nengi. Non, le kamango et à moi passe. Bon, quand je passe, na passe na biso. Et à moi ma tête avec moi passe. Soit elle malamo, passe bana ma bé, passe la ca. Nengi, maman et ben quoi le baki arbi, passe na biso passe, passe la ca ma bé. Et solo, et ça me casse solo. Mais bah ouais passe mais qui, bah évitez que bah on peut le soulever là, bah sous passe y a bah. Il y a pas de problème. Non, je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que maman Bwanga, au lobby aux allées moisi, ce qu'on bat la coupe football. Y a moi un abysse parce que mes qui te comment ma tête a coûté que la vidéo bandaku. Pourtant mon yoko bala, au côté mon bala on a ndaku on dekonanga tikaki. On dit moi petit pousser là. Ndaku on dekonanga tikaki n'ambo on a moni passi. T'as vu qu'on l'ingate yo tiens mon bala monsieur ndaku on y a un tomi ko bato la vidéo bilo kwa. Bon bandeko débat oyo na tikili yango bino. Makambo tu outi ko lobawa ezali universel. ezeyi kotangama na mboka nyonso. Totikili bino deba oyo, bino bo continue yango. Po makambo ezali ebele ya koloba. Tudi koloba kaka ndambo awa. Sujet ezali ebele. Na ba sujet o etikali, bino bo mwa kopusa yango, po bo sembola pambate, ngai mosali nzembo. Na kopesa conclusion na ngai. Soki totali malamu, ezala basemeki, ezala basi nandako, nazeko bengango problème de femme. Po mwasi atonga kamboka te. Tona ba basi batonga kamboka te. Yango wana, ntina, tomi vandi sa mingi awa ngonga peza muke, totikili bino deba oyo, bino bo continue yango. Me kasi bino bandeko basi, boye ba malamu ke, soki lelo, ozana ndeko ya mobali, luka petan mousou mwayen, soki li kambo zali, to e pa ya fami ya mwasi na ye, yaka ko yebi sa nandeko no ya mobali, ye moko abongisa e pa ya bokiro na ye, oleke yo le katan mousou e pa ya bokiro na ye. Soki pe omwen li kambo, eza yo na semiki na yo, yebi sa nandeko na mobali, po ye moko abongisa. E bwi, na yebi pe ba mibali mousousou, ba ndeko na mwa basi ba domina kabango. Me na kanisi, ba me akolongo na pongi, po soki li kambo ezali, to meka ko bongi sa yango, mpo, pe ezala nakati ya famille. Féminin votini domina et domina masculin. Oui, domina. Merci, Mingi. Ok. Bonne année.